J'ai travaillé, les efforts ont payé. J'ai charbonné matin et soir, j'ai tout donné. Pour le moment rien n'a changé, j'suis toujours au quartier. Le peu d'amis qui me restent sont là pour m'encourager. J'étais déçu par des proches, malgré ça j'ai pardonné. Qui te préserve, le succès me fait rêver. J'ai pas zappé les mauvais, tout comme les bons délires. L'été approche, j'suis pété à Phuket ou à New Delhi. Mais tu sais, la vie est remplie d'étapes. On décide la vie, tôt ou tard, elle nous rattrape. Très reçu, j'suis pas là, c'est comme on aura sonné. Comprends que j'ai qu'un cœur, plus d'amour à donner. Ma vie à moi, la vie n'a pas d'amené à yébouillé. La vie n'a pas, ma vie à moi, la vie n'a pas d'amené à yébouillé. Hey, la mort nous attend tous, personne ne sera épargné. C'est dur de faire sa life quand on pense comme un rageux. On peut pas plaire à tout le monde, les sentiments sont trop chers. Y'a deux choses que je regrette, je peux pas revenir en arrière. Wallo, wallo, la vie est dure, il faut travailler. Zamenana, le monde est fou, ce monde est méchant. Fallait que tu sais, le temps passé on reconnaît les vrais. J'ai toujours partagé celle du point en témoigner. J'ai fait ce que j'avais à faire, personne ne m'a dirigé. J'ai tracé mon chemin, tout seul, personne ne pourra le nier. Ma vie à moi, la vie n'a pas amené à yébouillé. La vie n'a pas, ma vie à moi, la vie n'a pas amené à yébouillé. Oh, mana outa bandali, gaye, mana outa kinshason, gaye. Je suis de la RD Congo, gaye. Il est de la Guinée Conakry, gaye. On est tous des enfants d'Afrique, gaye. La la la la. Hey! La la la la la la la hey! Al El Cap, El Maravilloso, El Cap.